L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte aujourd'hui de l'association AD2S qui œuvre dans le domaine de l'accès aux droits, avec comme mot d'ordre permettre à chacun d'accéder à ses droits. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Brigitte Casucci, bonjour. Bonjour. Présidente de cette association, et Charline Trouillet, bonjour. Bonjour. Qui en est la directrice. Déjà, AD2S, physiquement, ça se situe où à Nancy ? C'est sur le site du Grand Sauvois d'avant, Arelia maintenant, à Maxéville. Périphérie de Nancy. Si vous deviez faire le portrait de cette association, son objectif, j'ai dit une phrase, permettre à chacun d'accéder à ses droits. Comme le disait Pierre-Yves Boiffin, le directeur de la DETS de Meurthe-et-Moselle, c'est être plus informé pour mieux accompagner, c'est-à-dire destiné aux travailleurs sociaux, les informer de tout ce qui peut exister dans l'accompagnement social pour leur permettre de mieux accompagner les personnes les plus fragiles. On va y revenir. Cette association assez récente, en 2017, comment a-t-elle été créée ? Elle a été créée pour poursuivre un dispositif qui existait, qui s'appelait la Mutuelle Réseau, qui était née à Nancy et qui permettait de proposer une mutuelle, une garantie santé négociée et destinée aux personnes qui sont au-dessus des seuils. Alors maintenant, de la complémentaire santé solidaire participative qui est l'ancienne CMU. Depuis 2017, cette association, c'est une association que vous avez créée, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais pas seule, puisque portée par les collectivités telles le conseil départemental, la métropole du Grand Nancy, et puis la région Grand Est, puisque nous sommes régionales. Donc vous avez plusieurs missions, vous avez cité la mutuelle, c'est aussi une banque de ressources pour les professionnels. Qu'est-ce que c'est une banque de ressources ? Alors en fait, c'est pareil, c'est né aussi d'une volonté d'informer les travailleurs sociaux de tout ce qui existe en matière de droit. Alors maintenant, c'est de plus en plus complexe, je laisserai Charline le dire, puisque tout arrive, là, le chèque eau, le chèque énergie, le chèque inflation, tout ce qui est accompagnement des personnes, tout ce dont les personnes pourraient prétendre, mais souvent que les personnes ne connaissent pas. Et donc, c'est destiné aux travailleurs sociaux qui vont les accompagner, et c'est de regrouper tout l'accès aux droits dans tous les domaines. Il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est 30%. 30% des personnes qui renoncent à leurs droits. C'est trop compliqué aujourd'hui. Effectivement, c'est très compliqué, c'est ce que je disais. Ça change, les barèmes changent, les barèmes d'accès à la C2S, la complémentaire santé solidaire, à la PL, ça a changé. Il y a plein de choses qui changent dans tous les domaines, qui évoluent. Les barèmes changent, les prestations également. Donc il faut connaître tout. Et c'est très, très compliqué. Et l'objectif de la banque de ressources, c'est aussi de permettre vraiment à ces accompagnants sociaux, finalement, de privilégier un lien direct avec la personne, plutôt que de passer un temps de dingue à aller rechercher le bon CERFA qui va bien, le bon formulaire qui va bien. Sachant que la banque de ressources reste, pour le coup, un site web fiable, et en tout cas avec des données fiabilisées, dans la mesure où ce sont les ouvreurs de droits eux-mêmes qui viennent finalement alimenter cette banque de ressources et qui nous donnent accès à l'ensemble des dernières informations, des derniers formulaires, des derniers CERFA. Pour ça, on conventionne avec la CAF, avec la CPAM, avec beaucoup d'organismes qui finalement nous permettent d'être toujours, j'ai envie de dire, au cœur de l'actualité et toujours sur des données, encore une fois, fiabilisées. Voilà, donc vous n'avez pas un travail directement avec les personnes bénéficiaires, hein, c'est vraiment à destination des professionnels, mais vous avez un rôle essentiel aujourd'hui. Oui, surtout comme vous l'aviez dit, 30% de non-recours. Donc l'objectif, c'est effectivement pour nous de permettre à chacun d'accéder à ses droits et au maximum de personnes de pouvoir connaître et surtout être orienté vers le bon dispositif, vers la bonne aide dont les personnes pourraient prétendre. Pour vous faire connaître aujourd'hui, comment vous faites ? Vous avez parlé de lab tout à l'heure. C'est des moments justement où vous avez l'occasion de faire la promotion de ce que vous faites, enfin surtout faire connaître l'association et tout ce que vous proposez ? Oui, entre autres, sachant que les labs sont des temps d'échange entre professionnels qui du coup se retrouvent autour d'une thématique. Alors bien souvent, ce sont des thématiques évidemment de l'ordre de l'accès aux droits. Le dernier en date, pour exemple, a eu lieu donc sur la métropole du Grand Nancy, autour du logement d'abord. Voilà, avec plus de 136 participants, donc 136 professionnels de la métropole, mais pas que d'ailleurs, hein, du département 54, voire de certains départements limitrophes, qui du coup ont participé à cette journée, ont bénéficié d'informations concrètes autour de la thématique du logement d'abord et ont eu l'occasion aussi d'échanger autour des différents dispositifs qui existent sur le territoire. Donc ça, c'est un exemple. On développe également ce qu'on appelle des webinaires, c'est-à-dire aussi des temps d'information qui là sont plutôt des temps d'information descendants. Ça dure une heure, c'est du flash. C'est un peu comme du flash info. Hein. En l'occurrence, on travaille très en lien avec la CAF sur ces webinaires où on va être sur de la descente d'informations claires. Le prochain aura lieu lundi, pour le coup, sur la thématique de l'ARIPA et de l'intermédiation financière dans le cadre du versement des pensions alimentaires. Et puis un prochain aura lieu encore sur les aides à domicile. Enfin voilà, donc on organise des temps un peu phares comme ça tout au long de l'année, en fonction aussi des remontées de terrain et des besoins des professionnels qui nous disent que voilà, certaines thématiques ne sont pas forcément très claires ou par le biais de nos ouvreurs de droit qui disent là, il faut qu'on communique un peu plus précisément sur certaines aides, sur certains dispositifs qu'on développe parce qu'ils ne sont pas mobilisés et que potentiellement des personnes pourraient y prétendre. Beaucoup de choses sont méconnues aujourd'hui, d'où les 30% ou la complexité aussi des démarches pour les bénéficiaires qui en rebutent beaucoup. Ça peut expliquer ces 30%? Oui, complexité dans les démarches administratives, manque d'informations, fracture numérique, c'est tout autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui les publics n'accèdent malheureusement pas aux droits fondamentaux. Alors que les publics sont de plus en plus nombreux, puisque on note un taux en France de 14,5% de pauvreté, et dans notre région, on a des départements qui sont à 19% taux de pauvreté, 1 sur 5. Et pour une présidente comme vous, la création de cette association, son évolution, quel regard vous avez depuis 2017? Vous dites vraiment, on a bien fait de créer cette association, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'était la volonté aussi des collectivités, des pouvoirs publics, hein, de pouvoir nous aider pour justement informer, renseigner les travailleurs sociaux. Mais on note une réelle évolution aussi, puisque Charline, je pense, va vous en parler, mais on est sollicité également pour renseigner le public. Maintenant. Oui. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin. Et là, on le fait aussi sur nos outils, sur notre site. Mais alors là, ce coup-ci, en ouvrant ce site au public. Je pense que Charline peut... Tout à fait, on peut... Certaines applications qu'on peut retrouver sur notre site internet, donc www.ad2s.org, sont accessibles. Alors, la banque de ressources et la mutuelle dont parlait Brigitte tout à l'heure, enfin qui maintenant s'appelle Garantie Santé AD2S, ces dispositifs-là sont soumis à adhésion. C'est-à-dire que les associations adhèrent à AD2S pour pouvoir proposer finalement à leurs professionnels ou à leur public ces dispositifs, ces outils. Alors l'adhésion est très minime, hein. On parle de 300 euros au maximum. Pour les associations. Pour les associations de plus de 100 ETP, sachant que le montant minimum de la cotisation est à hauteur de 50 euros. Pour des toutes petites associations qui n'ont pas forcément d'ETP, ni qui ne fonctionnent pour certaines qu'avec des bénévoles. Au-delà de ça, comme l'a dit Brigitte, hein, effectivement, on a tout un panel aussi d'outils accessibles directement sur notre site, notamment des cartographies qui, pour le coup, sont accessibles au grand public. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller rechercher l'information sur ce site internet et pour le coup, il n'y a pas besoin d'adhésion. Il n'y a pas besoin de payer cette fameuse cotisation dont je parlais. Ces cartographies, elles sont nombreuses. Hein. On a 3 cartographies aujourd'hui qui sont des cartographies liées à tout ce qui est alimentation solidaire sur la métropole du Grand Nancy. Cartographie qui a été créée en octobre 2022, hein, qui est toute fraîche, toute récente. On a une cartographie autour de tout ce qui est inclusion numérique, c'est-à-dire tous les points d'accès au numérique. Je ne sais pas, Monsieur X a des difficultés à pouvoir se connecter à Internet parce qu'il n'a pas de connexion chez lui, qu'il ne connaît pas l'outil informatique. Il peut, grâce à cette cartographie, savoir qu'il y a une maison France Service potentiellement qui peut l'accompagner dans ses démarches. Mmh. Mais vu qu'il n'a pas d'ordinateur, il ne va pas forcément pouvoir avoir accès à la carto. Donc en fait, il va se rendre au CCAS de secteur. Et puis le CCAS, lui, pour le coup, va l'orienter sur le bon dispositif qui va bien grâce à cette carto parce qu'il... elle aura identifié, grâce à une géolocalisation. Donc ça, c'est notre carto inclusion numérique. Et puis une troisième cartographie qui est le guide des solidarités, qui là recense finalement toutes les associations de l'économie sociale et solidaire qui sont situées sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Et nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à projet, dans le cadre du plan pauvreté, pour développer au niveau de l'échelle Grand Est une cartographie de l'alimentation solidaire sur les 10 départements de notre région, donc qui a pour objectif, surtout pour les bénéficiaires, de pouvoir se repérer, se géolocaliser, de pouvoir accéder au lieu d'alimentation solidaire le plus proche de chez elles, de chez eux, et qui doit permettre surtout de favoriser l'accès à une alimentation saine et durable, dans la mesure où voilà, on se rend évidemment compte qu'aujourd'hui, au vu de la situation qu'on traverse en ce moment, voilà, l'accès à 3 repas par jour, c'est pas toujours simple, et encore moins avoir accès à une alimentation équilibrée. Voilà, donc on va recenser tous les lieux d'alimentation solidaire, mais pas que, toutes les initiatives, les expérimentations, les ateliers cuisine, enfin voilà, tout ce que certaines associations peuvent développer aussi en parallèle des expérimentations. Donc une évolution pour cette association AD2S qui s'adresse déjà en priorité aux professionnels, mais qui s'ouvre aussi à avoir une information auprès du grand public. Donc on n'hésite pas à aller se rendre sur votre site ad2s.org. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Ce qu'on peut dire pour l'évolution de notre association, c'est que Shaïna Skirouni, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a décidé et souhaite que chaque commune de son département puisse proposer la fameuse garantie santé AD2S, donc un accès aux soins facilité en accédant à une mutuelle négociée, en conventionnant avec notre association et permettre ainsi à toutes les communes de Meurthe-et-Moselle d'accéder à ce dispositif qu'est la garantie santé. Sur le département 54, ça concerne 592 communes qui, on l'espère, vont déclencher et vont permettre à leurs administrés du coup de pouvoir accéder à cette mutuelle. Donc vous pouvez peut-être nous souhaiter que finalement un maximum de personnes puissent accéder à cette garantie santé et qu'on n'existe plus d'ici quelques années parce que du coup il y aura plus besoin de nous et que notre utilité finalement n'aura plus lieu d'être. Chacun aura accès à ses droits de manière automatique et il y aura plus besoin de nous. Je pense que finalement vous pouvez nous souhaiter de disparaître. Voilà, c'est notre vœu aussi. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.